Hein? Comment? Dit le baron. Alors, Sisyphe s'abandonna à un flux labial désordonné. Il voulait se battre tromblon, à bout portant, avec un seul pistolet. Ou bien, on mettra de l'arsenic dans un verre, qui sera tiré au sort. Ça se fait quelquefois. Je l'ai lu. Le baron, peu endurant naturellement, le rudoya. Ces messieurs attendent votre réponse. C'est indécent à la fin. Que prenez-vous? Voyons, est-ce l'épée? Le vicomte répliqua oui par un signe de tête et le rendez-vous fut fixé pour le lendemain à la porte Maillot à 7 heures juste. Dussardier étant contraint de s'en retourner à ses affaires, Regimbard alla prévenir Frédéric. On l'avait laissé toute la journée sans nouvelles. Son impatience était devenue intolérable. « Tant mieux !» s'écria-t-il. Le citoyen fut satisfait de sa contenance. « On réclamait-nous des excuses, croiriez-vous ? Ce n'était rien, un simple mot. Mais je les ai envoyés joliment boulés, comme je le devais, n'est-ce pas ?»« Sans doute, » dit Frédéric, tout en songeant qu'il eût mieux fait de choisir un autre témoin. Puis, quand il fut seul, il se répéta tout haut plusieurs fois. « Je vais me battre. Tiens, je vais me battre. C'est drôle. » Et, comme il marchait dans sa chambre, en passant devant sa glace, il s'aperçut qu'il était pâle. « Est-ce que j'aurais peur ?» Une angoisse abominable le saisit à l'idée d'avoir peur sur le terrain. « Si j'étais tué, cependant, mon père est mort de la même façon. Oui, je serais tué. » Et tout à coup, il aperçut sa mère en robe noire. Des images incohérentes se déroulèrent dans sa tête. Sa propre lâcheté l'exaspéra. Il fut pris d'un paroxysme de bravoure, d'une soif carnassière. Un bataillon ne l'eût pas fait reculer. Cette fièvre calmée, il se sentit, avec joie, inébranlable. Pour se distraire, il se rendit à l'opéra où l'on donnait un ballet. Il écoutait la musique, lorgna les danseuses et but un verre de punch pendant l'entracte. Mais, en rentrant chez lui, la vue de son cabinet, de ses meubles, où il se retrouvait peut-être pour la dernière fois, lui causa une faiblesse.